Bonjour, un direct aujourd'hui, le 27 juillet. Donc, nous sommes mercredi le 27 juillet. Si le son n'est pas bon, vous me l'écrirez. Je vais attendre que les gens arrivent. En milieu de semaine, des fois, c'est pire que le samedi. Donc, un peu moins de monde. Dernièrement, j'ai fait un audio. Un audio qu'il n'y a pas l'image. Parce que c'était mieux qu'il n'y ait pas l'image. De toute façon, je l'ai fait, j'étais étendu. Donc, faire attention non plus, pas nommer personne. Bonjour Camille. J'essaie que ce soit impersonnel. Je ne veux pas non plus que ça devienne des attaques personnelles parce que ce n'est pas le but. Là, c'est pour ça que essayer de ne pas se servir de ça pour antagoniser avec d'autres. Mais c'est que ce qui circule, ce qui était dit, ce qui circule là, sur le surmental, c'est il y a des choses que ça n'a aucun bon sens. Puis là, c'est pour ça que je voulais faire une mise au point. Mais de ne pas voir ça comme quelque chose de comme une attaque personnelle, là, c'est pour ça que de ne pas cibler personne, de ne pas nommer personne. Parce qu'au fond, c'est pas de mes affaires. Ça me regarde pas. Mais c'est certain que, bon, il y en a, ils voient des démons. C'est pas nouveau, ça, ces phénomènes-là. C'est des vieilles choses. Puis c'est pas ça, le surmental. Puis il y a des gens, bon, ils subissent des attaques, entre guillemets. De comprendre que s'il y a une vibration d'une certaine assez haute, s'il y a un certain caractère, si on peut dire, s'il y a une certaine contenance, s'il y a une certaine volonté de manifester, ça devient impossible. C'est pas normal de subir des attaques de démons, là. On n'est pas au 15e siècle, là. Puis on est supposé avoir tous les outils pour faire en sorte d'être inattaquable sur certains plans. Puis aussi, premièrement, commencer à avoir le discernement de comprendre que des choses comme ça, c'est pas l'astral. Dans le sens que le surmental, c'est pas de l'astral. Il n'est pas supposé avoir des manifestations de ce genre-là. Donc, si on regarde le 15e, 16e siècle, il reste encore des traditions par rapport à l'Antiquité. C'était une société qui réprouvait beaucoup, qui refoulait beaucoup. Puis, on a dans les campagnes des gens qui avaient encore certaines recettes avec des plantes. Puis, si vous prenez certaines plantes toxiques comme la belladone, puis bonjour, bonjour à vous. Donc, certaines personnes servaient de ça pour provoquer ça, comment je pourrais dire ça? Provoquer des projections astrales. Ça disloque les corps. C'est ça l'affaire, là, les balais de sorcières, mais des fois, c'était un manche de fourche, c'était des choses comme ça. C'est enduit avec des onguents. Ça passait par les muqueuses du vagin ou du rectum. Puis ces gens-là disloquaient les corps, puis allaient sur des plans qu'on considère comme c'est l'astral. Puis là, il y avait commerce avec toutes sortes d'affaires, notamment ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des démons. Mais le problème avec ça, c'est que ces gens-là, justement, ont cru que c'était réel. Puis en plus, leurs juges ont cru que c'était réel. Donc, il y a eu des autodafés, des gens qui ont été brûlés à cause de ça. Si on se met à retomber là-dedans, puis à penser que c'est réel, ces expériences-là, en effet, on va retomber dans des hystéries. C'est extrêmement dangereux. J'ai bien saisi tes propos concernant le supramental et le retrouve dans ses propos, pas concernant l'astral, mais concernant la prise de conscience. Ben là, je peux pas commenter. Je dois faire attention. L'affaire, là, c'est que le supramental en tant que phénomène, puis le côté social, c'est pas pareil. C'est pour ça que c'était, bonjour Lucie, c'est pour ça que c'était normal que ce soit annoncé en Inde, mais que ça arrive ailleurs. Prenez là, en Inde, là, à Pondichéry, puis il y a toutes les dérives imaginables qu'on peut lier à des sectes là-bas. c'est pas individuel tant que ça, ce qu'ils vivent, eux autres, c'est collectif, c'est social, puis c'est, bon, il y a tout ce qui vient avec. Donc, il y a des vols, il y a des viols, il y a de l'abus, il y a des suicides, il y a des meurtres même. Puis la police, comme c'est patronné par l'UNESCO, puis le gouvernement indien, la police ferme les yeux souvent. Puis regardez, ben oui, il y a des belles affaires. Ils ont construit le Mandir, la plus grosse balle de golf du monde. Ben oui, mais c'est bien beau, mais on fait quoi avec ça? Au niveau de l'individu, ici, on peut rien faire avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec ça? C'est bien beau, ben oui, ça a l'air d'un ovni. On dirait aussi, ça fait penser à une comète qui frappe la Terre avec l'étoile de l'impact autour, là, comme c'est en train d'arriver, là. Mais c'est bien joli, c'est des bonnes intentions, mais il reste que c'est pas tout. C'est loin d'être tout, même. Donc, de faire attention. Bonjour, cellule or. Donc aussi, moi, j'ai pas envie de tomber dans j'ai pas envie de tomber dans des conflits inutiles. Ça me tente pas, puis je pose pas le seul but. Mais le surmental, c'est pas de la projection astrale, pas se poser, se faire. En tout cas, c'est juste. C'est pour ça, là. Moi, j'ai pas. Il y en a en plus que s'ils mêlent ça aux soins énergétiques, aux nouvelles âges, à toutes sortes d'affaires, ça devient une bouillie, là. Une fricassée, une giblotte. Puis il faut pas. Dans le sens qu'il va tout le temps y avoir des dérives. Puis c'est juste de les voir. Moi, c'est ça mon propos. Il faut voir ces aspects-là, sinon on se fait avoir. Il faut voir pour pas se faire avoir. En tout cas. Mais je n'ai pas dans l'idée, moi, de confronter tous les groupes ésotériques, puis tous les groupes dans le Nouvel Âge, puis dans ces choses-là, puis qu'en plus, ils font de l'argent avec ça, puis. C'est pas mon but du tout, c'est juste de dire à l'individu, attention. Peux-tu éclairer la différence entre le corps éthérique et le corps astral? Peut-on dire que le corps éthérique est un corps astral équilibré? Le corps astral peut être équilibré. C'est parce qu'il y a différents, mais il y a différents niveaux de fréquence. L'être humain est un microcosme, donc qui est à l'image de ça. Donc, il y a différents corps, entre autres. Il y en a qu'on peut densifier, mais le germe est déjà là. Le corps astral, c'est magnétique. C'est un corps magnétique qui est lié à la Terre, qui est lié à la planète, puis qui est lié à l'expérience passée du reste de l'humanité d'avant, si on peut dire, ou même de maintenant, surtout, même peut-être même du futur, parce qu'il y a de la programmation liée à ça. Le corps éthérique, là, on est au-delà du. Prenez le corps vital, là c'est. C'est électromagnétique. Mais le corps éthérique, là, c'est encore une coche au-dessus, là. C'est un niveau de fréquence jusqu'à un certain point. Bon, c'est des fréquences. C'est ça la différence. C'est juste la fréquence. C'est comme. Prenez-le comme anciennement, là, les radios. L'être humain est un récepteur. Mais il peut aussi émettre. Donc, ce sont des émissions de différents états de densité liés au fait qu'il y a différents. Le concept de saisir que nos pensées ne sont pas réellement les nôtres, c'est le début d'un état surmental, j'ai bien saisi. Oui, entre autres. Le surmental, c'est aussi une capacité de voir que l'ego est un mental inférieur. Ben, tant qu'il est intellectuel, puis qu'il y a autre chose. Parce que le mental inférieur, c'est surtout ce qu'on pourrait appeler l'intellect. L'entendement psychologique, de tous les aspects psychologiques. Mais comme il y a des pensées qui peuvent être les vôtres, ben oui, l'être humain est aussi émetteur, mais ça n'aura pas la même fréquence, ça n'aura pas la même. C'est pour ça l'affaire d'être. De rester sensible, le discernement vibratoire. Quand quelqu'un a une pensée, puis que cette pensée-là ne vient pas de lui, l'affaire, c'est qu'il va s'identifier à cette pensée-là. puis il va dire « je », il va dire « moi », parce que ça fait partie des pièges. Ça fait partie de la fausse identité qui est circonstancielle, au fond. Donc, il me venait quelque chose, je l'ai perdu. Mais l'affaire, là, c'est que la base, c'est ne pas croire, pas donner d'importance au sens psychologique du terme. Puis, se détacher des formes, ça revient à se détacher des formes, l'affaire, qui ne sont pas réellement les nôtres, les intéressants. Certaines pensées peuvent venir de nous, même alors, comment les reconnaître? Ben, c'est ça, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même fréquence. Quelqu'un qui dit « je suis un imbécile », il peut être sûr à 100% que la pensée ne vient pas de lui. Mais quelqu'un qui souffre puis qui dit « je veux que ça cesse », la pensée vient de lui. C'est une question de... La vibration n'est pas pareille. Hein? La pensée réelle aura pas le même impact. Il va avoir une autorité. L'autorité émane d'un centre. C'est-à-dire, l'ego, à mesure qu'il densifie, si on pourrait dire, une identité réelle, en départageant l'illusion de la projection, ces choses-là, il va avoir de plus en plus d'autorité. Il va être capable d'émettre des pensées qui viennent de lui. De toute façon, quand vous avez intérieurement une pensée qui ne vient pas de vous, puis que vous vous en rendez compte, puis vous dites, ça ne vient pas de moi, ça, la pensée, ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. Donc, il y a un début, là. Il y a une construction de ce qu'on pourrait appeler un centre ou un noyau. Puis, il va y avoir de plus en plus une vue panoramique du monde de la pensée. Puis, on se rend compte que c'est un monde. Puis, qu'on baigne inconsciemment dans de la télépathie, les pensées des autres. Entre autres, les pensées des autres qu'ils pensent leur pensée. L'être humain pense qu'il pense, alors que... Soit on reçoit, soit on émet. C'est ça, de la pensée. Parfait, je suis donc sur la bonne voie. Je commence à discerner ce type de vibration liée à une intention. Parce qu'il y a une différence entre une volonté et puis une intention. Je ne sais pas si vous voyez, là, comme là, le pape est venu. Il est au Québec là, en ce moment. Il est plein de bonnes intentions. C'est pas suffisant, ça. C'est pas. Il est venu s'excuser pour l'institution qui a émis une volonté tout croche dans le passé. Puis quelque part, qui s'excuse, s'accuse. Donc, s'il était venu en disant on reconnaît et on demande pardon, c'est pas pareil qu'on s'excuse. Ça n'a pas la même fréquence. C'est pas. C'est une bonne intention, c'est comme un pieux mensonge, souvent. C'est ça, des bonnes intentions. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on ne peut pas s'excuser d'avoir eu des bonnes intentions, puis finalement. En tout cas, tout ça, ça va encore brouiller les choses, ça va créer d'autres conflits à d'autres niveaux. Parce que là, en reconnaissant. Oui, on a voulu enlever une culture, puis c'est un peu comme si on est sur le paganisme animiste, sur le même pied d'égalité, alors que ça se compare pas. Ça se compare pas à la culture occidentale qui est très... Bonjour, fils Ben Jean, bonjour. Donc, c'est, il me semble que je vous connais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, il reste que... C'est, on peut voir là, les jeux, je veux dire, il serait jamais venu à l'idée de demander à certaines peuplades de s'excuser d'avoir martyrisé des missionnaires. Ils étaient contents, dans le fond, d'être des martyrs, ça faisait partie de leur programmation. Même si c'est dur, l'intention de ne plus se laisser berner, l'intention de discerner. Moi, c'est parce que l'intention, c'est comme une attitude, c'est psychologique, donc moi aussi j'ai l'impression de te connaître. Ok, ouais, ben, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, le pape s'excuse pour récupérer de l'énergie. Il semble que ça s'écroule sous leurs pieds. Ben, vous savez ce que c'est devenu, puis bon. Ça a pas. Il aurait fallu s'excuser dans le temps, puis arrêter. Il aurait fallu voir, puis arrêter ça. Sinon, comme ça, on a plus à s'excuser. L'affaire, c'est qu'on dramatise beaucoup. Les gens sont beaucoup dans la fiction. Puis on dramatise beaucoup, puis là, on va se mettre à. Parce qu'il reste que moi, je peux pas nier que c'est arrivé, là. J'ai eu des témoignages. Que... Je parle au niveau de la vibration. Ah, moi, pas d'accord, il n'y a rien qui s'écroule, ils suivent leur plan. C'est prévu comme ça, peut-être. Ben, qui s'écroule. On pourrait appeler ça de la démolition contrôlée. D'une certaine façon, le Vatican II, c'est un petit peu spécial, là. Puis tout ce qui est tourné autour de ça. Puis après, au Québec, on a eu les messes à gogo. Il y a quelque chose qui n'avait pas été saisi, là, qui n'avait pas été compris. Ça, c'était pas nécessairement souhaitable. Ça, c'était la fin de... Ben bon. Mais même ici, là, à quelques minutes de route, il y en avait un pensionnat qui était encore ouvert quand j'étais enfant. Puis j'ai eu des témoignages de ce qui se passait là, puis on peut pas nier qu'il y a eu des choses, là, même très graves. L'affaire qui m'écœure un peu là-dedans, c'est qu'il y avait une complicité du gouvernement. Puis lui, c'est... dans le fond, l'Église était utilisée par le gouvernement, puis il y avait des pensionnats aussi tenus par des Anglicans, puis tenus par des fonctionnaires. Il y avait ce qu'ils appelaient les écoles, c'est plus dans le Canada anglais, là, mais il reste que, bon, qui s'excuse, s'accuse. Ça aurait été mieux, genre, on reconnaît, puis on demande pardon pour des excuses, puis, le, bon, en tout cas, mais ça dépend, c'est juste une affaire de forme. Mais bon, j'imagine que ça va servir à certaines personnes. Il y en a à qui ça va servir, puis il y en a qui vont se servir de ça. Puis, bon, au fond, c'est pas de nos affaires. Moi, je me sens pas concerné par ça. Moi, je suis consterné, mais je suis pas concerné. Mais la suite, là, c'est pas nécessaire. D'une certaine façon, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une reconnaissance objective. Pas un spectacle à grand déploiement de pénitence, puis de... Parce que là, ça vient un peu comme les processions de pénitents, là. Sauf qu'on n'a pas de cagoule sur la tête, mais là, c'est parce qu'on ne peut pas porter la pénitence pour, je veux dire, bon, en tout cas, bonjour Victor. Donc, est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? Parce que par rapport, là, peut-être la dernière... Oui, bonjour tout le monde. La première vidéo, comme je vous dis, moi, je ne veux pas personnaliser un débat, là. Ça ne m'intéresse pas du tout. L'affaire, c'est bon, à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Le surmental, c'est quoi? Même, j'en avais parlé même avant d'entendre l'enregistrement où Bernard parle du surmental, ça m'avait été posé comme question que j'avais parlé. Ah ben, ça devient un espace d'objectivité, d'observation. Puis je ne l'avais pas écouté encore par après. Même, j'étais allé pour voir si c'était correct. Parce que c'est ça, ça me disait. Finalement, c'était bien correct. Mais là, j'arrive pas à croire que c'est en train de devenir... Voyons, là, le surmental, c'est pas... En tout cas, il faut quand même rester toujours intéressant quand vous parlez politique. Moi, ben, j'aime pas bien ça, la politique. Vous voyez, là, dernièrement, il y a quelqu'un, un député des conservateurs du Québec qui avait parlé des mesures coercitives pour forcer, entre guillemets, la vaccination comme un peu comme un viol, ce que je suis parfaitement d'accord. Parce que ça revient comme à essayer de séduire une vie. Puis là, d'essayer de forcer. Puis là, il y en a une, là, une libérale, là, elle dit c'est minable. Bon. On parlera maintenant, c'est de ce qui est minable, on verra bien. Hey, bonjour, l'oiseau moqueur. Penses-tu que les contrôleurs sont freinés ou limités par des forces dans leur démolition contrôlée ou ils sont en libre total? Ben non. Si vous dominez, c'est parce que vous êtes dominé. C'est comme être habité par des forces de domination, de vouloir dominer. En tout cas. Concernant la prophétie de BDN, concernant l'antéchrist, est-ce effectif ou est-ce que ça a changé? Ben là, est-ce effectif? Dans le fond, ça ne vient pas de Bernard, ça. Mais il risque, bon, l'antéchrist, oui, l'être humain, il densifie des choses. Fait que oui, pour moi, c'est une réalité. De la même façon que... Il y a l'oiseau moqueur. Tu avais fait une vidéo qui est en YouTube, puis je vais voir tous les jours sur Odyssée si tu l'as mis sur Odyssée, puis je ne la vois pas. Mais en tout cas, mais par rapport là, à l'antéchrist, regardez, là, en ce moment, en Israël, ils sont complètement. Il y en a beaucoup des rabbins. Que eux, ils sont persuadés que le Mashiach s'en vient. Le Mashiach, c'est le Messie. Si on regarde comme il faut les textes, eux autres, il y a un texte qu'ils n'ont pas. Que nous autres, on a, qui a été écrit par un Helléno chrétien, là, un mystique qui s'est retiré sur une île. C'est Saint-Jean de l'Aréopagite, qui n'est pas Saint-Jean. C'est pas le même Saint-Jean que d'autres Saint-Jean. Puis c'est l'Apocalypse. Puis c'est ça qui parle au fond de l'Antéchrist. Mais est-ce qu'il y a des liens à faire avec les Juifs qui, en ce moment, s'énervent? Puis pour le Mashiach, ben oui. Ben oui, parce que eux, le Messie qu'ils attendent, ce ne sera pas le bon. Ça va être ce que nous autres, on appelle l'Antéchrist. Premièrement, là, ils sont persuadés que il y en a certains, sont persuadés autour de dans 2 mois et demi que là le Mashiach s'en vient. Mais le problème, le troisième temple n'est pas reconstruit. Première affaire qui ne marche pas. Avec leur prophétie à eux autres. Deuxième affaire qui ne marche pas, avec leur prophétie, leur texte, il n'y a pas la paix entre les différents groupes du judaïsme. Donc, il va arriver un bonhomme, puis ils vont dire, c'est Mashiach. C'est lui qui va faire rebâtir le... Après, on verra. Parce que là, après, il pourrait venir le vrai, là, ce qu'on appelle le second avènement, qui va être aussi leur Mashiach. Mais là, ils n'auront pas le choix de dire, ah, moi, je le vois comme ça. J'aimais ce doute au sujet de l'Antéchrist, car je me demande s'il sera vraiment un homme ou si l'Antéchrist ne pourra-t-il pas être une somme d'individus. Ben, ça revient au même. C'est-à-dire qu'au niveau social, au niveau sociétal, il faut qu'un individu soit entouré pour qu'il y ait un impact. Donc, c'est un mouvement social aussi. Même si c'est un individu, ça... Ah, je vais arranger ça. 3 vidéos à publier sur Odyssey d'ici ce soir. Oh, OK. Différencier antéchrist de antichrist, moi, c'est pas pareil. Antéchrist, ça veut dire avant. Donc, il va venir un personnage avant. Mais ça n'empêche pas que ça peut être synonyme, là. Ça peut être synonyme. De toute façon, c'est parce qu'on est dans la polarité. On se dit, ah, s'il y a des forces christiques, il y a des forces entrées. On pourrait plus parler, ah, l'homme et la femme. On pourrait plus parler de... C'est de la polarité là, qui fait que, bon... Oiseau moqueur, Requiem 1. Ah. C'est une messe pour qui? Pour quelle mort? Des Requiem... D'habitude, des chants pour les morts. Mais l'affaire, là, l'Antichrist, c'est parce qu'on a une vision polarisée. Fait que s'il y a des forces christiques, on dirait des forces antichristiques. Tandis que on pourrait parler plus des forces retardataires ou des forces contextuelles. Je sais pas, là, ou des forces anti-homme ou anti-vie. Ce qui, on peut pas empêcher la vie. On ne peut pas empêcher là. Donc, on va dire des forces retardataires. Des contextes retardataires. Mais je pense bien que les Juifs, à un moment donné, il y a une majorité en Israël, puis même d'autres d'ailleurs dans le monde, qui vont prendre un bonhomme, un politique. Il faut que ce soit quelqu'un qui a du poids politique. Il faut que ce soit quelqu'un qui est bon. Puis ils vont dire c'est Mashiach. Puis là, on pourra dire ah, ce personnage, c'est qui ce personnage? Dans le fond, peut-être que je me trompe, là, j'ai pas de certitude, mais il reste que, tant qu'à faire, aussi bien faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que si c'est l'Antéchrist, c'est-à-dire ce qui va précéder, ben à un moment donné, il va être là pour vrai, le Machia, parce que les chrétiens attendent aussi. Puis ça se peut que, rendu plus loin dans le temps, là, tout d'un coup, les Juifs puis les chrétiens vont se rendre compte qu'ils ont le même Messie. C'est-à-dire quelque chose qui revient, puis là, pour une fois, il va être reconnu. Mais avant, il faut vivre toute la marde. Faut qu'ils rebâtissent leur maudit temple. Faut qu'ils. Je ne devrais pas parler comme ça, je ne devrais pas dire des choses comme ça. Polarité de Jésus. Ouais, mais c'est dans le mental des gens, la polarité. C'est à cause de la perception. Ah bon. Ainsi soit-il. Mais c'est l'affaire, c'est que ça contredit, et comme là, justement, il y en a plusieurs, rabbins, puis qui sont tout énervés, sont certains. Ils sont certains que Machia s'en vient. Mais oui, mais ça marche pas, là. Le troisième temple n'est pas rebâti, puis c'est encore de la chicane, ils sont tout en chicane encore. D'ailleurs, il y a des rabbins qui se lèvent pour dire non, non, il ne viendra pas. Ce ne sera pas lui. Ben oui, d'après BDM et même la Bible, ce Machia suscitera l'adoration par la plupart du monde. J'ai beaucoup de mal à imaginer que je puisse adorer un politique. C'est fini, c'est du prix pour moi. L'affaire, c'est que ça va être quelqu'un qui fait une certaine unanimité entre le politique, le religieux et le social. C'est ça, dans le fond. Donc, il faut que ce soit lié au politique. Parce que au niveau du messianisme juif, le Machia, supposé être un homme de guerre, supposé être un politicien, moi, comme Trump, moi, on verra. Mais quelque part, c'est pour ce Trump, bon. C'est pas un juif. Le Machia, faut qu'il soit juif. L'Antéchrist aussi. Dans le fond. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il y a des lignages qu'on connaît pas. C'est mystérieux, tout ça. De plus en plus, je pense que l'Antéchrist sera né de l'intelligence artificielle. À chaque nouvelle technologie, on lui a donné un morceau de robot, moins. Ah, Melchisédek. Melchisédek. Moi, ça devient. Melchisédek. Vous voyez, c'est parce que c'est tous des termes, comme l'autre fois, on me parlait les archontes. Mais les archontes, il y a longtemps, c'était des gens qui avaient une fonction. C'était vraiment des gens. C'est comme Melchisédek, c'est une lignée de juges. Si vous regardez là, les vieux textes, là, le livre des juges. Puis on a pris ces termes-là pour exprimer toutes sortes de choses. Mais donc. Mais c'est ça, là. Ça devient délicat. C'est des choses délicates. En plus, ça soulève les passions. Ça soulève les passions. Il y a des rabbins, ils sont arrivés de se tirer les papillotes. La chicane va prendre. Il y en a bien qui disent, voyons, Machia, il s'en vient pas. On est en chicane encore, on ne peut pas s'en venir. Puis là, l'autre en avant va dire, c'est toi la chicane. C'est à cause de toi s'il vient pas. Tu sais, vous voyez? D'après Kemp, il s'agira de Maitreya qui incarne les mémoires astralisées de tous les prophètes de toutes les religions. Pas le choix d'être pas mal d'accord. Ben oui, donc on a plein de petits antéchrists. Il y en a plein. Prenez, comment il s'appelle, le Claude Vorion, Raël. Il a ça à Krill-Kan parce qu'il sait que c'est propice aux sectes dans le coin du Japon puis de la Russie. Puis il se faisait appeler Maitreya. Ça se peut-tu? Lui, là, je suis pas supposé dire ça, mais calisse que je l'ai. Je suis pas supposé dire des choses comme ça en live, je me lâche lousse un peu. Mais c'est parce que c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est quoi qui est écrit? Il va venir des faux prophètes avec des doctrines de démons. Donc, l'affaire qu'il faut affûter, c'est la vue pour voir. Sinon, on est fait. Fait que toutes les doctrines, toutes les affaires, moi, je prends pas de chance. Même, heureusement que Bernard, il disait de pas le croire. Parce que sinon, j'aurais sacré aux poubelles, lui aussi. Dès que quelqu'un veut qu'on le croie, là, ben, de la misère avec ça. sais, il y a bien des choses en ce moment qui se passent. Là. Bonjour, Louis. Il y a bien des choses qui se passent en ce moment. Faudrait croire sur parole, il n'y en est pas question. Il ne faut jamais croire, que ce soit pas sur parole ou si c'est invérifiable, là, ou au moins d'aller au niveau d'un discernement puis d'une vue, d'essayer de... Alors, comme là, en ce moment, le sens critique n'est plus encouragé dans les sociétés occidentales. Pourquoi? Pour des raisons de pouvoir. Prenez, là, ils viennent de ressortir que oh, ça vient du marché de Wuhan selon deux études. Rien à torche de tes études, je m'en fous. Il y a des gens éminents qui ont vu que c'était des chimères, qui ont vu que c'était une chimère. Votre patente que vous dites que ça vient d'un marché, c'est-à-dire une chimère, c'est-à-dire que ça a été fabriqué. Il y a des brins d'ADN, de sida là-dedans. Je ne ferais pas croire que c'est... En tout cas. Pour les bouddhistes, un Maitreya est censé être le prochain Bouddha. C'est énervant que ce nom soit récupéré par tout un spin. Oui, mais justement, moi, ça ne m'intéresse pas des affaires comme Maitreya. Prenez... Bonjour, Mimi. Bonjour. Prenez juste la doctrine des avatars. Je veux dire, ça aboutit, on aboutit à quoi? Je veux dire, oui, c'est vrai, on est dans une fin de cycle. Bon, qu'on appelle ça Kali Yuga ou une fin de cycle, voulez-vous bien dire que ça change? On est aussi bien de prendre des formes qui charrient moins de subjectivité qui s'est accumulée au cours de siècles puis de millénaires de spiritualité qui est dans un espoir, puis ça déforme tout. C'est pour ça que des termes comme ça, je vois pas l'intérêt de toute façon, le prochain Bouddha, des Bouddhas, il y en aurait eu plein. Il y en a eu plusieurs. Puis, on va mettre sur un piédestal la spiritualité, qu'elle soit intelligente ou pas. Qu'elle soit intelligente ou pas. Il y en a un, là, un missionnaire bouddhiste qui introduit le bouddhisme au Japon. À un moment donné, il a décidé qu'il allait méditer sur le bord d'un mur. Puis, il est resté comme ça jusqu'à ce que ses bras et ses jambes pourrissent. À un moment donné, il y a des crises de limites. Je veux dire, c'est pas intelligent, ça. C'est pas ça. Hein. Si c'est ça, les maîtres spirituels, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que je veux foutre que c'est un câble de même? Ça m'intrigue. C'est quoi ça, là? C'est du suicide puis de l'auto. Une fin qui dure trop longtemps qu'on en finisse. Ben oui, mais l'affaire, c'est parce qu'on n'est pas patient. Dans le sens que justement, c'est parce qu'on attend que ça a l'air long. Moi, j'attends pas, là, j'ai rien à attendre. Je n'attends pas après ces affaires-là. Daniel Kim disait que les gens qui allaient travailler ensemble dans le futur allaient commencer à se reconnaître dans l'éthérique. Moi, j'en prends pareil puis j'en laisse. Dans l'éthérique, ça peut être juste par une perception qui surpasse la perception normale, tout simplement. Il va y avoir une reconnaissance, les gens vont se reconnaître entre eux. Ils vont reconnaître une essence, une vibration de fréquence, pas besoin nécessairement d'aller se décorporer avec un corps de gloire dans l'éther. Parce que prenez comme les transports séraphiques, puis ces affaires-là, à un moment donné, si on reste accroché là-dessus, ce qui est important, bon, premièrement, si on veut justement aligner tout ça, puis que, bon, c'est juste d'aller bien. Il faut aller bien, il faut se nourrir bien, il faut être en forme, il faut être en santé. C'est ça qui est important à la base. C'est comme si on voulait l'extraordinaire à tout prix, puis on met de côté un peu l'ordinaire. Alors que c'est l'ordinaire qui est important, parce que s'il n'y a pas l'ordinaire, l'extraordinaire ne se manifestera pas. Donc, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Je vais mettre bien plus mon attention sur des choses de la vie de tous les jours. Que sur des affaires, il faut commencer par le début. Fait que, là, je sais pas, depuis que je me suis fait raser mon petit jardin, je dois avoir perdu une dizaine de livres. Là. Je vais vous dire comment je peux être vulnérable là, à cause de la. BDN disait la même que quand tout sera sur le point de péter, on va être guidé, dirigé vers des lieux sécurisés. Moi, je vais être franc avec vous, je crois pas à ça. Mais ça peut être, c'est parce que c'est de la façon qu'on l'interprète, ça peut être lié au niveau de la manifestation d'un instinct prépersonnel qui va faire que vous allez aller à un endroit sûr quand ça va être le temps. De la même façon que pendant un orage, un chat va se cacher sous le toit d'une galerie. Dans le sens, pas besoin de, parce que je me rappelle l'affaire, là, il y a des Yétis qui allaient conduire les initiés dans l'Himalaya, puis dans la mer, il y a des delphines, des dauphins qui allaient conduire des gens devenus delphinoïdes dans des... Moi, rendu là, je décroche. Je m'excuse, là, mais je peux pas. Je suis pas capable. Ça, c'est trop pareil, jamais de sérieux doute, je n'arrive pas à imaginer le comment. Ben, tu sais. Au pire, si c'est vrai, ça arrivera quand ça arrivera. Ça donne rien qu'on spécule sur ça en attendant. On n'est pas rendu là tout à fait. Quoique, je ne sais pas. Mais l'affaire, là, les dauphins qui guident des initiés, puis des yétis qui guident des initiés dans des centres dans l'Himalaya, moi, je ne peux pas en croire à des affaires de même. De toute façon, il ne faut pas croire à rien. Fait que là, ils ont dit bien des affaires, hein? Parce que parler en roue libre, quand on exerce la parole, ça parle tout seul. Des fois, ils sortent toutes sortes d'affaires que le discernement, il va peut-être falloir faire un tri à mesure qu'on voit ce qui se passe. Parce qu'il y a des affaires dans même, c'est... je veux dire, même des enfants ne croiraient pas à ça. Bon, moi, je pense qu'il est minuit moins une, Camille, pour nous autres. Dans le sens, dans notre contexte. On va voir ça cet hiver-ci, minuit. Et pour un meilleur. Après, il y a minuit. Ça continue après, minuit, et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Donc, l'affaire, ce que je sais, c'est qu'on est loin de midi. On est loin de midi. La nuit commence. Minuit, on pourrait voir ça comme le milieu de la nuit, mais là, on n'est plus des cultivateurs qui se couchent à 7 heures le soir puis qui se lèvent à 3-4 heures du matin. Là. C'est plus tout à fait le milieu de la nuit. Fait que c'est assez avancé. Minuit, ça commence à être. C'est pas mal le début de la nuit. C'est plus le milieu de la nuit. Alors, moi, mes yeux, il est minuit moins une, mais on devrait voir ça cet hiver. C'est pas souhaitable, mais ce qui arrive, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qui arrive. Ce qu'on espère, puis ce qu'on voudrait, puis ça, c'est du conditionnel, puis le conditionnel, j'arrive plus à voir ça comme sérieux. Je prends plus ça au sérieux. Parce que là, ben non, mais minuit moins une. Ah. Donc, de toute façon, mon double, si vous saviez comment j'ai de la misère avec minuit moins une. Tu fais allusion à la vache, non. Non, non, je fais allusion en général. Minuit, c'est général, dans le sens que pour ce qui est d'une civilisation qui va vers autre chose, là, puis que ça n'a pas le choix de se passer comme moi, mes yeux, oui. Ben oui, parce qu'après. Le mois de janvier. Là, il y a le mois de février. Puis là, il arrive les affaires de la gang là, qui tripent sur les ovnis. Là. Les cultes soucoupistes qui, au Québec, bon, ils ont leur date à eux autres pour 2023. Donc, qui est vers la fin de l'hiver, c'est 2023, vers la fin de l'hiver qui vient. Donc, on va voir eux autres. S'ils sombrent, si c'est comme les Juifs qui attendent Mashiach, on va voir. Je veux dire, c'est pas juste pour eux autres, pour tout le monde, ça arrive. Donc, on n'aura pas le choix. L'Antéchrist est censé débarquer à minuit un peu après. Donc, curieux de voir ça de mon vivant. Ben, d'une certaine façon, à un moment donné, il y a longtemps, le pseudo Berthold, il vient du temps que je participais à un forum par rapport à un blog. Puis j'avais dit, pourquoi je pense à ça, minuit un peu moins, donc curieux de voir ce que j'ai dit. J'avais dit, on vit des temps extraordinaires quand même. Vraiment, là, on va voir des choses que personne n'aurait pensé voir. On voit des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir. Ce qui arrive, c'est jamais ce qu'on pense. Donc, c'est pour ça que vous pensez, des fois, maintenant, bon. Salut, Bird, bonjour. Guilé. Guili. Guili. Donc, au fond, est-ce qu'on pense de ça, puis c'est important? Ça, est-ce que ça va avoir un impact sur ce qui va arriver? Je ne pense pas, là. Je ne suis pas sûr. Mais ce qui arrive, c'est jamais ce qu'on pense. C'est pour ça que ben, il reste qu'on vit une époque extraordinaire quand même. On assiste à la fin de quelque chose. Puis c'est possiblement qu'on va voir plein d'autres choses. Là, ces temps-ci, c'est un peu inquiétant. À Taïwan, ils font des exercices militaires. Donc, est-ce qu'on pourrait voir ça comme lié à... Parce qu'il y en a qui disent « Ah, Poutine est rentré en Ukraine, donc la Chine pourrait... » Ouais, mais c'est pas le même contexte, là. Est-ce que vraiment les Chinois vont envahir Taïwan? Moi, je pense que là, ils regardent les exercices militaires, puis que juste de voir l'impact qu'ils ont, c'est assez... Mais ils préparent quelque chose, possiblement, aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les soldats chinois, quand ils vont entrer dans le mausolée de Chiang Kai-shek, selon vous? Ça me... Ben là, il faut dire, j'ai peut-être des mémoires liées à des vieux conflits par rapport à ça, mais des soldats de la République populaire de Chine, qui rentrent pas là, ils n'ont pas d'affaires, là. Puis là, je vais considérer ça comme des événements assez tragiques. Ça risque d'être extraordinairement violent comme conflit. Les Taïwanais veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir du communisme, puis je les comprends. Je les comprends, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a là-dedans, ils vont se battre jusqu'à leur mort. Donc, ça risque d'être extrêmement violent. C'est comme si la Corée du Nord décidait de réenvahir la Corée du Sud avec, aujourd'hui, le type d'armement, puis il y aurait des millions de morts dans les premières heures, peut-être. Ça irait très vite, puis aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une guerre avec des ogives, puis des missiles hypersoniques. Aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, ça durerait combien de temps? 45 minutes, 1 heure? Il compte détruire des symboles et des écrits, effacer l'histoire pour la réécrire, comme d'habitude. Mais c'est parce que c'est l'âme de Taïwan, là. C'est ce qui reste de la vraie Chine. C'est pour ça que il y a eu les seigneurs de la guerre dans le temps, puis ils sont rentrés dans les mausolées des empereurs manchous. Il y en a bien là-dedans, c'était des volontaires même, c'était d'autres ethnies, c'était des Han. Ils ont tout pillé, ils ont taillé les cadavres en pièces. Rappelez-vous la Révolution française, quand ils sont entrés puis qu'ils ont décidé d'ouvrir les mausolées des rois. C'est jamais bon signe, des choses comme ça. C'est jamais bon signe. À un moment donné, ils ont décidé que c'était le culte de... Bonjour Anaïs, c'était le culte de l'être suprême, puis ils ont transformé Notre-Dame de Paris en écurie. À New York aussi, ils reçoivent des exercices via les médias à savoir quoi faire en cas d'inondation, d'attaque nucléaire, quoi mettre dans leur sac à dos de secours. Ah oui, à New York. Ben, vous savez, l'État de New York, c'est un État... les gens qui vivent à New York n'ont rien qu'à traverser l'autre bord, là, au New Jersey. Il faut avoir peut-être la paix plus. Mais bon. Il reste que moins, parce que New York, c'est un point névralgique, c'est un point stratégique, c'était pour des raisons, par exemple, c'est tout le temps une guerre de l'énergie, donc on a reçu une de notre cher gouvernement aussi. Ah oui, vous parlez en France? C'est incroyable ce qui se passe avec l'Europe. C'est épouvantable, ça. Bon, en tout cas. Juste le traité de libre-échange là, avec la Nouvelle-Zélande, les gens devraient être dans la rue. Vous allez encore vous... Bon, en tout cas. Là, au niveau international, ils ont déclaré la lettre maximale par rapport au monkeypox. Ils veulent nous la remettre encore plus profond et répandre et terrain un prochain passe sanitaire possible. Ah oui, ici au Québec, oh, j'ai pas vu ça. Eh bien, j'ai pas vu ça. Vous savez, c'est comme bonjour Sylvie, c'est comme le monkeypox, la varicelle des foufounes, que je veux dire, pas de quoi paniquer, là. Hein? Bon, du coup, j'en m'inquiète pas pendant tout. Mais c'est tout le temps des prétextes. C'est tout le temps des prétextes. Comme il y a pas longtemps, quand il y avait sorti un journal satirique, il avait sorti que Tedros Ghebreyesus Adhanom, je ne sais plus trop son éthiopien, il y a un nom, qu'il avait été arrêté, j'ai dit tout de suite à la personne, c'est pas vrai. Là, ça a pris du temps avant que ça sorte que c'était pas vrai. Mais bon, l'affaire, c'est que on baigne dans l'information, puis c'est au niveau d'un manque de discernement qu'on se fait pogner. Donc, aujourd'hui, le but, c'est pas de cacher l'information, c'est de mettre tellement d'informations que les gens sont perdus. Puis ils envisagent n'importe quoi, puis au niveau du discernement. C'est là que, mais le sens critique, le discernement, c'est plus vraiment des valeurs. C'est plus enseigné. Pourtant, on nous parle de la raison. Puis la raison. Puis on justifie par la raison. Mais il reste que, ben non, j'ai pas vu ça. On a eu ça, des exercices. Ben oui, ben c'est clair qu'on s'en va vers un conflit. Passe sanitaire, passe climatique, passe énergie, cela ne concerne que leur administré. Pour moi, l'issue est de reprendre ses droits naturels et de redevenir le créditeur au lieu du débiteur. Ouais. Mais encore là, c'est parce que c'est dur d'échapper à ces contextuels. Donc, c'est possible que même quelqu'un qui dit « Ben, moi, j'ai pas l'intention de me déplacer. Je vais rester chez moi, donc j'ai pas besoin de passe de ci puis de ça. » Ils vont dire « T'en as besoin d'un pareil pour des raisons administratives. » Les Romains étaient comme ça quand ils faisaient un recensement. Ils s'en foutaient, là, des excuses. Puis un peu aujourd'hui, Rome, c'est un peu l'OTAN. Puis, ben, c'est ça. Jean, quoi que nous fassions, ils joueront leur scénario jusqu'à la fin. Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. Oh, on verra, il y a des imprévus. Rien ne peut arrêter ce qui s'en vient, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est leur, ce qu'ils pensent qui s'en vient, qui va arriver pour vrai? Parce que là, on est encore dans le conditionnel. Donc, il peut arriver toutes sortes de choses. Quand ça va faire une heure, là, je vais quitter. Donc, oui, ils vont jouer leur scénario jusqu'à la fin. Ils ne sont pas créatifs. Dans le sens qu'ils ont bien de la misère à improviser. Ils ont bien de la... Faut les autres, ça prend un scénario écrit qui suivent, là. Parce qu'on a affaire à du monde... c'est pas des lumières, là. Les exécutants de ça. Regardez juste Trudeau. Le Christ a dit... En mon nom, tu seras sauvé. Moi, il a aussi dit beaucoup vont être persécutés puis tués à cause de mon nom. Prenez, là, en Syrie, là, il inaugurait dernièrement, ils ont inauguré une petite église, un village, puis il y a eu une attaque par drone. Tu sais, c'est pas un endroit stratégique, là, c'est pas ça. Il n'y a rien de militaire, là. Juste des civils, des villageois qui se réunissaient puis qu'est-ce qu'ils auraient joué. L'ouverture d'une église. Comment tu vois ça pour l'automne? Ils vont repartir le pass sanitaire? Ben oui. Je suis pas mal sûr que, encore aujourd'hui, même si ça fait un an qu'ils l'ont pas refait, moi je pense qu'ils vont avoir des couvre-feux puis le pass sanitaire. Mais ici, comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça le pass sanitaire ici. C'est. Je ne sais plus. Non, eux, ils sont en pleine illusion et ils. Et complètement à côté de la plaque. Ouais, mais d'un autre côté, c'est bien rodé, là, leur affaire. Ça fait longtemps que c'est. Ah, le Green Pass, moi, ça, c'est. Ben, l'écologie, ça a l'air de. C'est. Dans le fond, on revient à une sorte de culte païen, là. Ça continue, on va refaire des sacrifices à la terre, mais sans se rendre compte, ça n'aura pas cette forme-là. Ça n'aura pas. Mais ça va être ça pareil. L'autre jour, j'étais où? J'étais au Jean Coutu. Puis là, la dame, elle me dit, voulez-vous un grand sac? On n'a plus le petit sac. Je dis, OK, c'est correct. Elle dit, on essaie de les éliminer tranquillement pour la planète. Je dis, c'est comme le monde, ça? Il me semble qu'on commence à en éliminer, puis c'est pour la planète. Puis là, elle m'a regardé. Ah oui, mais là, voulez-vous bien dire ce qui s'est passé entre le con après le confinement, entre avant le confinement et après le confinement? Il manque du monde, mais c'est pas le COVID. C'est pas... Ben oui. T'sais, il manque des gens. Je veux dire, il y a une surmortalité, mais c'est pas le COVID, là. Puis là, ils sortent n'importe quoi. Les sapins de Noël font faire des crises cardiaques. Le jardinage fait faire des crises cardiaques. Là. Le syndrome de mort subite de l'adulte. Puis là, dernièrement, la nouvelle, là, les siestes font avoir des crises cardiaques, imaginez-vous. Il y a un monsieur que je connais qui vient de décéder. Il a fait 3 infarctus en quelques. C'est pas normal. La Corée du Sud ferait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah oui. Par volonté d'ouverture, c'est incompréhensible car elle n'est nullement francophone, ni n'a été colonisée par la France. Ben oui, je comprends pas. Le Vietnam, c'est correct. Mais pas la Corée du Sud. Ben, serait supposé autres faire partie de la japonaiserie. Je veux dire, c'est les Japonais qui avaient conquis la péninsule coréenne. En tout cas, très intéressant de voir les nouvelles alliances Russie-Iran-Turquie. Ouais. Biden, il est allé se promener en Arabie Saoudite. Fait que là, Poutine sortir d'abord, puis il va se promener en Iran. Mais la Turquie, ça fait partie de. Donc, je ne sais pas, là. S'il y a vraiment une alliance de la Turquie, c'est peut-être le troisième roue du carrosse, ça, là. De toute façon, rien ne sert de craindre ce qu'ils nous réservent, c'est renforcer leur pouvoir, c'est ça. L'élastique des chaussettes cause aussi des crises cardiaques. Ben oui. Jamais qu'ils vont dire que d'écouter les médias, ça fait faire des crises cardiaques, par exemple. Hein? Le plan et leur faiblesse, c'est toi, ce qu'ils ont. Exactement, ils ne sont pas créatifs. Ben non. Et tout ce qu'ils ont, OK. Ben oui, ben non, ils sont pas capables d'improviser. Pourtant, ça va aller vite, là, il va arriver des choses, il va y avoir des imprévus. Ils sont totalement capables d'improviser. Ils n'ont pas une vue. Fait que pour avoir des flashs de ce qu'il faut faire, il faut que tu aies une vue, il faut que tu vois. Ben non, ils sont tout le temps le nez dans les plans. Tout le temps le nez dans les plans. Je veux dire, si le plan n'est pas bon puis que la structure ne tient pas, c'est pas d'aller revoir les plans qui va faire que ça va empêcher de s'écrouler. Faut que les ingénieurs regardent et se rendent compte, oh, il y a une faiblesse. Faut refaire les plans. Ils ont pas de la misère à refaire des plans, surtout quand c'est écrit depuis des décennies. Ils adaptent à mesure que la technologie est bon, mais il reste que c'est pas créatif, ça marchera pas. Lui. Moi, je dis depuis le début, ça marchera pas leur affaire. Puis ça m'inquiète pas plus qu'il faut. Mais ici, dans mon coin, là, il y a une vraie abondance, même si je suis dans le nord, pareil, mais il y a une abondance pareille. Même si tout s'écroule, il y a à manger, puis même si on est en plein hiver, là, ça peut devenir compliqué, mais il s'agit de. Il y aura tout le temps quelqu'un pas loin qui a un caveau plein. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'on va voir les liens. Comment c'est important, puis qu'on va se rendre compte, c'est quoi la solidarité, peut-être. Donc, parce que là, regardez aux États-Unis toutes les usines agroalimentaires de transformation qui ont brûlé. Et on nous prépare une. Il y a 4 cavaliers, hein, puis il y en a un, bon, lui, c'est la famine. Mais il y en a d'autres aussi. Je veux dire, c'est connexe, c'est tout connexe. Sans. Prendre ça au pied de la lettre, puis voir extrapole, dans le sens de voir que ça s'applique à beaucoup de choses. Viens donc à mon épluchette le 20 août. Ben oui, mais je suis possiblement bien loin. Je pensais que j'irais aux champignons en fin de semaine, puis finalement, ce ne sera pas en fin de semaine. Je trouvais ça bizarre aussi. Voyons, il me semble que c'est pas un temps de l'année qui est le plus propice à ça. Mais non. Bon, les épluchettes de blé d'Inde. Moi, quand j'étais petit, c'était les épluchettes de blé d'Inde des pompiers auxquels j'allais. Puis il y avait un gros chaudron, genre un chaudron quasiment pour mettre des missionnaires dedans, là. Puis il faisait une épluchette, il y en avait. Hein. Ça n'avait aucun sens, tellement qu'à la fin de la journée, j'étais écœuré du blé d'Inde. Mais heureusement que c'est juste une fois par année. J'ai cueilli des champignons en mer hier. Ah oui. Ah, je connais même pas. Je connais pas ça, les champignons en mer. Et je manque un petit peu, pour la mycologie, ces choses-là, je manque un petit peu de connaissances. Malgré que d'habitude, quand je vois un champignon, je le sais intérieurement s'il est toxique ou pas, juste à le voir. D'habitude, si c'est lait et que ça n'a pas l'air bon, c'est parce que c'est pas toxique. Pour les champignons, la plupart tuent, il va 9 jours avec de bonnes pluies. Ouais. Ouais, ben. La plupart tuent. Pas 9 jours avec de bonnes pluies. Moi, champignon homard, c'est crinière de lion. Ah oui. Ah bon, ben, je sais c'est quoi. C'est comme dans mon coin, il y a. Ben, c'est comme quand on était enfant, on s'amusait à ouvrir des vis de loup. Ben, ça fait une petite fumée, c'est les spores qui s'échappent. Puis ben, j'ai appris plus tard, pendant une formation, que c'est un très bon champignon, mais il faut le prendre avant qu'il soit comme ça, là, quand c'est une petite boule blanche. Mais la plupart des champignons, dans mes champignons préférés, il y a ce qu'on appelle les trompettes de la mort. J'aime bien ça, mettre ça dans des bouillies et des choses comme ça. Même j'en mettais dans de la sauce à spaghetti. Puis c'est plein, il y a des oligo-éléments là-dedans, spécifiques, qui sont difficiles à trouver. Dans d'autres aliments, des fois. Puis, il y en a même qui contiennent des. Mais c'est à faire attention quand même. La trompette de la mort, c'est un peu la partie aérienne d'une sorte de lichen. Donc, il y a des lichens qui poussent des petites trompettes à travers, puis c'en est pas toutes. Mais là, l'affaire trompette de la mort, c'est parce que ça sort au mois de novembre. C'est tout simplement. Bonjour, Isia. Je vais quitter dans pas long et il s'en vient. Ça va faire 1 heure, mais à un moment donné. Oh, you leave the bug, ouais, c'est ton clochouette. Ben oui, ils veulent qu'on mange des bébites, eux autres. Avez-vous vu dernièrement? C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est Elon Musk à la plage. Hey, il a l'air d'une grosse larve de hanneton au soleil. Là, je dis, ah, oh, c'est ça, un diurnambule. Trompette, antidiurétique naturel, ne pas en abuser, moi, il ne faut pas en prendre trop. Malgré que, bon, il y a des affaires des fois, là, que. Ça m'est arrivé de. C'est des choses, je ne parle pas souvent, mais je vais être porté à prendre des aliments qui ont une certaine toxicité. Bon, mais c'est arrivé après des accidents du monde autour qui ont essayé de faire pareil, puis qui ont été extrêmement malades. Donc, il y a des affaires, comme il y a des petites légumineuses sauvages, que des fois je mets ça dans ma soupe. Puis il y a quelqu'un dans mon entourage qui a décidé de faire pareil, puis qui a été malade. Parce que c'est toxique, c'est des choses toxiques. Mais bon, pourquoi je suis porté à manger des affaires toxiques? Ben, c'est pour différentes raisons. Souvent, je vais commencer, j'en prends juste un petit peu. Puis après, bon. On peut commencer à. Le système s'habitue. Mais là, je crois que le scénario d'horreur qu'il nous montre ouvertement est faux. C'est pour nous faire accepter un scénario déjà préparé qui sera plus séduisant. À un moment donné, j'ai dit, c'est comme si on nous menace avec une batte de baseball, puis on va finir à avoir des petits coups de baguette sur les doigts. Ça peut être ça, mais il reste, c'est de la psychologie inversée, puis ils s'en servent beaucoup. Donc, bon, ça prend un sauveur. Ben oui. Ben, moi, je cherche pas de sauveur, mais la masse, les gens instinctivement vont être portés à chercher un sauveur. Puis là, le piège. Fait que là, on se prend pour des victimes, puis il est tout bien bourreau, puis là, on cherche un sauveur. on veut se faire sauver. Mais c'est en temps évolutionnaire, le sauveur. C'est-à-dire, au niveau de la transmutation de l'individu, c'est chacun va devenir un sauveur. Il faut qu'il devienne un sauveur, ce qu'on appelait anciennement le virtus, qui a fini par être déformé en virilité, mais ça revient au même pareil. Maintenant, aujourd'hui, il nous parle de masculinité toxique, puis il y en a, ils voient des pervers narcissiques partout, puis c'est jamais des femmes. Ben là, il y a un problème là, de discernement. Probable, oui, nouvelle matrice 5D. Une bien plus jolie prison dont il sera encore plus dur de sortir. Moi. Ah, oh, la dialectique hegelienne, ben oui. Ça fait partie des outils de... La philosophie a tout le temps été liée à... En tout cas, puis même là, la philosophie se pose avec l'amour de la sagesse. C'est quoi, dans le fond, qui fait qu'on va dire... les attributs, par exemple, d'un ange déchu, on va dire l'orgueil, puis l'aspect, la connaissance pour la connaissance, entre autres, la connaissance, puis l'amour de la connaissance, parce que là, c'est un circuit fermé, ça. En tout cas, bon, mais je vais devoir vous laisser. Donc... je vais préparer là, la fin de semaine prochaine mon vidéo sur le pentacle, qui est dans le fond un concentré du Pentagone. C'est quoi la structure? Pourquoi aux États-Unis, ce qui est militaire est dans un bâtiment en forme de Pentagone? C'est pas pour rien. C'est entre guillemets de des principes de magie. Leur tu peux nous sauver comme après la Première Guerre en Europe? Ben oui. Ben oui. C'est quoi? Ben oui, justement, il y a quelqu'un qui voulait me donner de l'ortie l'autre fois. Ah, bonne journée, merci. Bon, ben bonjour à tout le monde. Puis, de pas trop sombrer dans l'inquiétude. Parce que c'est un des cordeaux, si on peut dire. Merci pour le live. Bon, ben, merci à vous tous. Au revoir.